tu viennes me parler comme si rien ne s'était passé, comme si je ne t'avais jamais aimé. Ta haine pour moi, tu ne l'as pas oubliée. Tu sais, ici, beaucoup de choses ont changé. Depuis 6 mois, ton ex a gagné. Toutes les batailles que je perds depuis toujours, toutes les batailles de l'amour.